Et bien voilà, l'été est terminé. Les chaleurs excessives aussi, et c'est tant mieux. Ces dernières semaines, j'ai tellement dépensé d'argent pour la glace qui tempérait les réfrigérateurs de ma morgue que je n'ai plus un rond pour les œuvres caritatives auxquelles je contribue régulièrement, telles que le patrimoine du château de Dracula dans les Carpates, le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, l'Association de la jeunesse morbide et la défense des droits des bourreaux du Moyen-Âge. De ce fait, n'ayant plus d'argent, je n'ai fait pratiquement aucune acquisition de nouveaux albums. Vous aurez donc droit à une émission qui sera remplie de vieilleries, parfois des années 80 et 90, 2000 et même de très vieilles choses de 2017. Mais de toute façon, ça ne change rien, puisque vous êtes de vieux auditeurs que je devrais probablement réanimer d'ici peu. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque vous lui demanderez ceci. « Docteur, je vieillis, cela me fait peur, et j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher ce processus. » Et lui de répondre « Facile, mon ami, cessez de respirer. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Let's go. No! Wow. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. Cette première d'octobre, soit le 3 de l'an des disgrâces 2017, je suis le Dr. Ben Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Bloc d'entrée, bloc constitué de vieux routiers du métal, c'est-à-dire à l'instant formation allemande Creator, une pièce tirée de leur deuxième album paru le 1er novembre 86, soit Pleasure to Kill, qui restera définitivement, à moins d'un miracle, mon album préféré de Creator, la pièce étant Carry On. C'était, en fait, les trois groupes de ce bloc étaient sous étiquette Noise Recording. Juste avant, nous avions les Suisses de Celtic Frost et Morbid Tales, pièce qui apparaît sur le EP Emperor's Return, qui était la deuxième parution studio de Celtic Frost, qui est sorti le 15 août 1985, évidemment sur Noise. Et d'ailleurs, c'est avec ce EP, ainsi que les premiers enregistrements qu'ils ont fait le fameux premier album Morbid Tales, qui dans les faits n'en était pas vraiment un. Et on a ouvert encore avec d'autres Suisses, cette fois-ci du parc ici à côté. Non, c'est une blague. Coroner et la pièce Sound of Lilith qu'on retrouve sur leur quatrième album Mental Vortex, qui est paru le 12 août 1991 et qui était aussi le dernier album studio complet de cette formation. Dois-je le dire, mythique et légendaire, oui, parce que Coroner, on leur doit... oui, évidemment, c'est un groupe thrash metal, mais on leur doit... entre autres, une vision différente du trash, une vision beaucoup plus technique et beaucoup plus, songée. D'excellents musiciens, un très bon trio. Et cette façon de faire le trash metal par Coroner, que dis-je, aura ouvert certaines voies à ce que le trash ne se limite pas à ce qu'il était à l'époque, parce qu'il ça peut devenir assez, je dirais, redondant rapidement. Il y avait tellement de groupes à l'époque et aujourd'hui, ben, c'est une marée. Donc, Hail to Coroner. Ce soir, c'est la présentation du nouvel album à paraître ce vendredi, soit le 6 octobre, de Insurrection ou Insurrection, selon le cas. Quatrième album, Extraction, c'est un peu plus tard dans l'émission. Il y aura aussi chronique cinéma et musicale. Mais pour le reste, c'est une émission somme toute assez régulière, pour ainsi dire. Mais pour les amateurs de heavy metal, j'aurai un bloc typiquement très heavy metal qui jouera entre les années 80 et les années 2000. Donc ça, c'est après Insurrection. En espérant que j'ai pas le temps de le passer. C'est une blague. On va poursuivre tout de suite musicalement avec un bloc assez, je dirais, particulier pour le moins. Moi, ça me plaît bien, ce genre de musique-là. On va entendre la formation Gorguts. Je pense qu'elle n'est plus à présenter. Une formation qui est très très éclatée, mais aussi très intelligente dans leur approche. Formation Era of Discord. Era of Discord qui donne plus dans un groove metal, mais assez fucked up par moment. Mais on va débuter tout de suite avec les New Yorkais Artificial Brain et leur deuxième parution qui est parue en avril dernier. Une formation qui donne dans un death metal technique, mais aussi parfois un peu surprenant. Avec la pièce Graveyard of Lightning Planets Artificial Brain. Let's go! 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Le mardi 3 octobre, voyez la formation Fully Completely qui vous offrira une soirée hommage avec Tragically Hip. Une soirée rock aux allures et aux sons canadiens. Fully Completely, le 3 octobre, au Gambrinus de Trois-Rivières. Pour la programmation complète, visitez le gambrinus.qc.ca. Salut, ici Octoplot et on est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal. J'aimerais profiter de la tribune ici pour savoir si vous avez retrouvé mon sac à dos que j'ai égaré à l'université v'là 2 ans. Je soupçonne qu'il m'ait été volé et il y avait des souliers à l'intérieur. Alors, ne manquez pas le Démon Normal à suivre. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. Avant la pause publicitaire, on a eu le deuxième bloc de l'émission qui était... C'était pas dans la dentelle. Bien sûr, Gorgoth, cette formation montréalaise... Et la pièce Forgotten Arrows qu'on retrouve sur le 5e album... studio complet de la formation Colored Sands. Très, très, très bon album qui est paru en 2013 sous étiquette Season of Mist. Personnellement, c'est parmi mes groupes métal préférés. Faut bien sûr se faire l'oreille à Gorgoth. C'est une musique que je qualifierais probablement d'initié à quelque part. Moi, initialement, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qui se passait avec ça. Mais à un certain moment donné, j'ai eu un déclic. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment apprécié ce qu'il faisait. Musique est très... Pour le commun des mortels, ça peut avoir l'air d'être n'importe quoi. Au contraire, c'est très très recherché ce qu'ils font. Juste avant, Era of Discord, formation de Pennsylvanie. Qui existe depuis 2014, donc relativement jeune. Non, 2014, c'est vrai, c'est rendu des vieilleries. Tout est jetable maintenant, semblait-il. Formation de Death Groove Metal, mais je dirais aussi un peu défoncé sur les bords. Formation qui a un seul et unique album, celui-là, Terra Imperium, qui est paru l'autre fois, je pense. Ou peut-être. Ouais, c'est ça, le 31 mars, voilà. De façon indépendante, la pièce est en Grounds for Zero. Ben, c'est une formation qui est pas nécessairement toujours facile d'accès non plus, mais c'est assez intéressant à découvrir. Sincèrement, je trouve ça assez bien. Et en ouverture de bloc, ben, les noms moins particuliers et difficiles, Artificial Brain, formation de New York. Artificial Brain, c'est une formation qui existe depuis 2011, qui sont catalogués comme étant technical death metal. Moi, j'irais au-delà de ça, je dirais par moment experimental technical death metal, avec une voix là vraiment, mais vraiment digne d'un siphon qui débouche les cabinets là. Musicalement, je trouve ça très intéressant. C'est le vocal qui m'achale un petit peu, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, l'émission s'achève. Non, c'est une blague. On va continuer musicalement cette fois-ci avec formation qui est un bloc de 3 pièces de groupes qui sont entre le... Je dirais le Death Doom, le Death et le Trash Death. Ouais, on pourrait dire ça de même. Quoi qu'il en soit, On va entendre la formation Cut Up. On va entendre Ales of Bullets. Bullets, pardon. Excuse-moi, Rockmaster, j'ai mal prononcé. et on va y aller tout de suite avec la formation de Pologne, Hate, qui un extrait de leur dernier album qui est paru le 5 mai dernier. Tremendum, leur 10e en carrière. Je vous en parlerai un peu plus tard. Let's go. Fire!

Vous êtes à C'est Fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Sciences, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. All right. Le mardi 3 octobre, voyez la formation Fully Completely qui vous offrira une soirée hommage avec Tragically Hip. Une soirée rock aux allures et aux sons canadiens. Fully Completely, le 3 octobre, au Gambrinus de Trois-Rivières. Pour la programmation complète, visitez le gambrinus.qc.ca. Cet automne, à la Maison de la Culture de Trois-Rivières, François Bellefeuille essaye des nouvelles affaires en rodage les 11 et 12 octobre. Philippe Laprise présente son projet Entre deux shows les 19 et 20 octobre. Et Juste pour rire offre des 5 à 7 à la fois drôles et intimes les 12 et 26 octobre ainsi que le 30 novembre. Pour la programmation complète, consultez onspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. C'est 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Il est 21 minutes et tout va mal. Mais non, c'est faux. Avant cette pause et délicieuse pause publicitaire. OK. On a entendu la formation suédoise de là-bas, là. Cut-up, formation qui existe depuis 2014, comme je disais tout à l'heure, donc relativement jeune. Une pièce tirée de leur deuxième album paru le 24 mars dernier, donc une très très très vieillerie, sous étiquette Metal Blade, soit Wherever They May Wrath. C'est assez évident. La pièce Rape by the Blade, très bonne formation, Cut-up, qui, oui, est une formation de death metal, non. On y retrouve des riffs un petit peu plus entraînants là, à la Louis Bilodeau dans sa soirée canadienne. Non, des riffs un petit peu plus entraînants qui rappellent un peu le thrash metal, mais très très bien dosé dans cette formation Cut-up. Juste auparavant, c'est plate à dire, mais c'est la défunte formation Hail of Bullets. Et la pièce pour le mérite, très bonne pièce, d'un très bon album. Third, The Rommel Chronicles, troisième et dernier album à être paru en 2013 sur Metal Blade. Je peux pas vous dire s'il a été remercié ou s'il a quitté de lui-même. Martin Van Dronen est parti de la formation. Je pense que c'est l'année suivante de sortie de cet album. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Qu'est-ce que je raconte là? Il est parti faire dodo, c'est ça. Non, il est pas... Je raconte n'importe quoi, mais c'est tellement drôle. Il est parti en 2015, voilà. C'est environ une année et demie après la sortie de Third The Rommel Chronicles. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Par contre, ça m'a bien désappointé parce que j'aimais beaucoup, beaucoup ce band. J'aimais beaucoup surtout le vocal, je peux retrouver dans Asphyx, entre autres, bien sûr, de Martin Van Dronen. Mais la dernière année d'existence de Hail of Bullets, c'était David Graham qu'on a entendu, entre autres, dans Benediction, mais aussi dans Bolt Thrower. Donc, est-ce que c'est parce que la chimie n'était plus là? que le groupe a décidé de cesser ses activités. Je n'en sais que dalle. Mais il n'existe plus. Et en ouverture de bloc, nous avions les Polonais de Hate, formation qui existe depuis 80, ben en fait 91 sous ce nom, mais à 90 comme étant sous deux autres noms, soit Infected et Sumocate. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Formation de Death, bien entendu, comme vous avez pu l'entendre, qui parle de choses et les vies banales comme le satanisme, l'antichristianité, la haine et la mort. Voilà. C'était la pièce Sea of Rubble qui est tirée de leur plus récente parution, le 10e, soit Tremendum, qui est paru le 5 mai dernier sur Napalm Records. Moi, personnellement, Me, Myself and I, j'ai beaucoup aimé Erebus de 2010, je trouvais très bien, Solar Flesh aussi de 2013, et surtout Crazed Zero, que j'ai trouvé très très bon, qui est paru en 2015. Tremendum, je le trouve pas mauvais du tout, mais je trouve qu'il est plus faible que ses trois prédécesseurs. Mais il reste que c'est un album qui donne c'est du hate, mais peut-être un petit peu moins percutant. Je vous parle de la présentation de la soirée. La nouveauté de la semaine? Ben oui, c'est le cas de le dire, parce qu'elle est tellement nouvelle qu'elle n'est pas sortie encore. Je vous parle de la formation Insurrection ou Insurrection. Et pourquoi on a les deux options? C'est parce que le groupe fait des pièces sur ses albums en français et des pièces en anglais. Donc, ça permet aux gens, autant aux anglophones qu'aux francophones, de s'identifier au groupe. Voilà. Du moins de prononcer le nom correctement. Formation qui existe, formation de Gatineau, dois-je le dire, oui, qui existe depuis 2003. Formation de death metal, je dirais un petit peu au-delà de ça, dans le sens que c'est pas nécessairement du très traditionnel, c'est un peu plus recherché, c'est d'un niveau, je dirais, un peu plus raffiné. Il s'agit de leur quatrième album, qui est à paraître ce vendredi, soit le 6 octobre. Et comme je le disais la semaine dernière, mes nombreuses relations ont fait que j'ai pu avoir l'album à l'avance. C'est pas une question de relation, c'est une question de distribution. Je me dis oui, pourquoi pas, hein? Si je reçois les albums pour les médias, ben ça peut me permettre de pouvoir vous en faire écouter un petit peu avant tout le monde, ou peut-être une partie des amateurs. Insurrection, ben c'est le vocal de Stéphane Jonf, bien entendu, vocal très puissant. Stéphane Jonf, qui est aussi un frontman assez digne de mention en spectacle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très charismatique aussi, mais qui a un jeu de scène très particulier. On a l'impression par moment que c'est un peu un mort-vivant, là, qui est un peu démembré, mais ça fait tout un visuel assez intéressant à côté de Martin Sanson, de Beef, de Jean-Philippe Latreille et de Frank aussi à la basse. Donc, je vous propose deux pièces. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous dire ce que j'en pense par la suite. On va écouter à l'instant des Eulogy of Hatred et une pièce francophone qui porte le titre de Le Pesant d'Or. Insurrection. Let's go. the play. Can you feel it deep within? The aggressive impulses of an evil empire. They are the focus of evil in the modern world. Poison flowing, spreading. The sounds of madness. Slowly growing, praying. The voice of sickness. Notes of priest will not style and timeless. Discord and fragrance and light. The forbidden lost the silent. Iron brains inside the sun man. Beat your eyes. Proceeds the miles to segregating. Face mirror deep within. Great reason. Black eyes, the grass, the paradigm. Race not a snake to sin. Feel the pain. Some visceral and sacred. Feed the brain. The elegy of hatred. Feed your hate. Great reason. Can you feel it deep within? Raise your voice, let the words be spoken. Like the seeds of concern. Raise the joy of melodies so broken. Should the choir of my ears eat the gold that the seals have burst. Egyptian is the chorus. Insurrection. Insurrection, selon le cas. Formation de Gatineau, qui nous proposera officiellement ce vendredi 6 octobre leur quatrième album, Extraction. Sous étiquette Gallery Records, on vient d'entendre la pièce Le Pesant d'Or. C'était précédé de The Eulogy of Hatred. Un album qui, selon moi, est assez bien, oui. Ce que je dois dire, par contre, c'est que j'ai connu la formation en 2008 avec le premier album Prologue, que j'avais trouvé très percutant, ainsi que Fracture ou suivant l'album Prototype ou Prototype, là, selon le cas. Là. De bons albums. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ces albums. C'est les prédécesseurs de Extraction. Extraction, par contre, je lui reproche d'avoir un peu moins de... Comment pourrais-je dire? De punch au niveau de la production. Moins percutant. Il y a de très bons moments sur l'album, par contre, comme les deux pièces que je viens de présenter, je les trouve très bonnes. Mais je trouve que c'est un petit peu moins punché que ça l'a déjà été. Et ça, personnellement, c'est important pour moi dans ce genre de musique, c'est principalement qu'il y a le death metal, d'avoir vraiment quelque chose qui est percutant. Donc, je lui ai accordé une note de 6,5 sur 10, qui peut paraître être, pour certains, abominable, alors que non, et je m'explique, parce que moi, un album qui devient pas bon, ben, généralement, ça part à peu près à 4, là. 4,5, là, ça commence à... Je n'ai pas vraiment aimé ça. Mais en haut de 6, c'est fort correct. Et puis, c'est seulement des petits détails que je leur reproche. Mais ceci étant dit, c'est un album qui va être très intéressant pour les amateurs. C'est un très bon groupe du Québec, hein. Ça, faut le dire. Il y a une scène québécoise qui est souvent un peu, comment pourrais-je dire, un peu éclopée par moments. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes. Et ça amène une saturation qui est pas évidente pour les formations de se démarquer. Il y a plusieurs clones. Il y a plusieurs formations qui sont peut-être pas toujours dans le créneau exact où elles devraient s'enligner. Insurrection n'en fait pas partie parce qu'ils sont originaux. Ils sont performants, ils ont de bonnes idées. Ils ont une façon de faire les choses qui est différente. Nous aussi, comme je le disais tout à l'heure, ils donnent de bons spectacles. Visuellement, c'est toujours intéressant de voir Insurrection. Voilà. Musicalement parlant, tant qu'à y être, j'ai fait deux autres écoutes depuis la semaine dernière. Une première que j'ai... c'est pas la première que j'ai découverte, mais je vais finir avec celle-là. Formation de Suisse, une formation de thrash metal qui s'appelle Helvetica. Mais pas comme la fonte, comment on dit ça en français. La typographie, voilà. Il y a deux L ici. L'album s'appelle Against the Odds. C'est paru de façon indépendante en CD. C'est une formation qui est catégorisée comme étant avec les genres death et thrash metal, mais moi personnellement, je vois pas grand trace de death metal là-dedans. Par contre, je vois une influence qui est core. Et ça me rebute un peu. J'ai été amateur de hardcore plus dans les années 80 avec les premiers balbutiements, si on veut, les Agnostic Front et compagnie qui, dans les faits, étaient peut-être un peu plus crossover qu'autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et quand j'entends ce fond-là revenir, ça me rebute un petit peu. Et c'est ce qui fait que j'ai plus ou moins apprécié l'album Against the Odds d'Helvetica. Je veux simplement passer mon tour avec le groupe. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses. Par contre, musicalement, il y avait des choses intéressantes. Je lui ai donné quand même un 5 sur 10, mais le vocal, c'est vraiment ce qui inspire le fond core. Ça m'a déplu. Et je me suis posé la question. Un groupe qui s'appelle Helvetica, quand est-ce en aurons-nous un qui s'appellera Time New Roman ou Verdana? Je ne sais pas. Et le coup de marteau, c'est une formation qui vient des États-Unis, une formation de melodic thrash metal. Pourquoi je me suis aventuré à écouter ça? Parce que je suis curieux! Act of Defiance, formation, comme j'ai dit, Melodic Thrash Metal, et l'album Old Scars, New Wounds, qui est paru il y a peu de temps, en septembre, sur étiquette Metal Blades, quand même. C'est disponible en CD et en LP, en vinyle, si vous préférez. Et comme j'ai dit sur ma chronique sur le site de réanimation AD.com, plug, je suis profondément, je sais que je suis assez intoxiqué au niveau du métal avec le death metal, les métal plus extrêmes, et ça me fait prendre des débarques assez monumentales quand j'entends des choses qui sont plus légères et mélodieuses, disons-le ainsi. Il y a certaines exceptions, faut en convenir là. Mais ici, moi, j'avais l'impression d'entendre quelque chose d'aussi mollasson que Michel Richard là. Puis moi, c'est comme je dis, j'exagère souvent là. C'est plus pour la rigolade qu'autre chose, mais non, c'est beaucoup trop joyeux, trop mélodique à mon goût. J'ai vraiment pas aimé ça. La première pièce surtout débute l'album en se disant mais qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? On est en train d'écouter Loverboy ou quelque chose comme ça. Bref. J'ai donné un 3 sur 10 parce que quand même la présentation graphique est assez bien, puis la production est bonne, donc je peux pas leur donner un 0 partout là. Donc Act of Defiance, c'est pas une formation pour moi, définitivement pas. Et je vous dis tout de suite, vous l'entendrez pas en réanimation, ça c'est pas mal certain. On va poursuivre musicalement, je l'avais dit tout à l'heure, on va aller faire une incursion dans le plus traditionnel, dans le heavy metal. Si on considère Candlemass heavy metal, on le considère comme heavy doom metal plutôt, là, mais quand même, on va entendre Candlemass, on va entendre Accept. Ouais, une pièce que je ne m'étonne pas d'entendre et de diffuser, une pièce tirée de Blood of the Nations. Mais on va commencer avec quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est quoi de dire, c'est une vieillerie à quelque part, là. L'album de 1983. Le premier album que le regretté Ronnie James Dio faisait paraître sous le nom de Dio, soit Holy Diver, paru le 23 mai 1983 sur Mercury. Mais ce que je veux dire de cet album-là, c'est simple, c'est un des albums que je me permets de dire dans la tradition heavy metal des premiers balbutiements, si on veut, là, proprement dit, du heavy metal. C'est un album qui demeure probablement pour plusieurs qui l'ont connu lors de sa sortie, qui ont continué à écouter ce style de musique, je parle de métal bien sûr, considère comme étant un des albums forts de ce mouvement. Et Ronnie James Dio, là, c'est quelqu'un qui a marqué profondément, et j'ose espérer, pour plusieurs, l'écoute musicale, que ce soit du hard rock, que ce soit du metal, du heavy metal, c'est quelqu'un qui a fait vraiment une marque très importante dans ce genre musical. Et Holy Diver définitivement est un album qui fait partie des emblématiques de cette série. Donc on va écouter, je vais arrêter avant de me mettre à pleurer, une chose qui arrive très rarement. Généralement, je pleure, mais parce que je ris trop. Rainbow in the Dark, excellente pièce. C'est probablement ma préférée et peut-être une des plus connues aussi de l'album. Donc, on va tout de suite avec Ronnie James Dio. Let's go! Brings me down, cause it's free. was predestined. The writing's on the wall. Can you see the telltale signs? Turning point is come. Here it comes.

La très bonne pièce The Abyss qu'on retrouve sur Blood of the Nation, qui était le 12e album paru le 30 août 2010. Et notez que Mark Tornio de T.T. Quick est toujours avec T.T. Quick, fait un très bon travail en remplacement de Udo Dirk Schneider. Ouvert avec, comme je disais, Ronnie James Dio. Formation Dio de New York, qui avait à l'époque, entre autres, Rudy Sarzo, je crois, comme bassiste, qui a été aussi avec Quiet Riot, puis Ozzy aussi, voilà. Dio, la pièce Rainbow in the Dark, tirée de son premier album solo, Dio Holy Diver, paru le 23 mai 83 sur Mercury, qui est décédé malheureusement le 16 mai 2010. Prématurément, doit-on le dire. C'est l'heure de parler de cinéma. Oui, c'est ta raison. Non, je parlerai pas de ça. Non, je parlerai pas de tes histoires de petits singes, c'est sûr. Ben, je dis ça, là, mais probablement que la semaine prochaine, on devra parler de petits singes avec la planète des singes. T'as raison, dans le fond, Horace. Ben, ce qui est à venir ce vendredi, ben, c'est la suite et la conception de Blade Runner par... j'oublie son nom. Denis Villeneuve, voilà. Donc, c'est ce vendredi que Blade Runner prend l'affiche. J'ai vraiment hâte de le voir. Je vous parle... Ben, je l'ai presque terminé. J'ai pris du retard parce que j'ai manqué de temps, mais la première saison de The Last Kingdom, une série à connotation historique d'aventure et d'action, ben, c'est coté 8,3, je pense. 8,3 sur Amazon. Ce que je trouve un peu particulier, ça mérite pas ça, honnêtement, là. Mais c'est bon. C'est bon. Mais en même temps, c'est un peu cliché. En même temps, c'est un peu maladroit par moment. Mais après avoir écouté The Mist, comme série qui était divertissante, oui, mais assez maladroite selon moi, ben, ça, c'est aussi correct, là. Ça fait le travail. Donc, la deuxième saison que je vais écouter éventuellement, bien entendu. J'ai finalement vu Le Pirate des Caraïbes, le sixième volet, si je ne m'abuse, Dead Man Tell No Tales, qui met en vedette, bien entendu, Johnny Depp, un film de Walt Disney. Ben, écoutez, oui, c'est divertissant. Visuellement, c'est impeccable. Techniquement, ça l'est tout autant. Johnny Depp est très bon dans son rôle, comme toujours. C'est dans sa vie privée qu'il l'est moins, semble-t-il. Mais j'ai eu l'impression que la franchise commençait à s'essouffler un petit peu, peut-être. Mais c'était divertissant. Est-ce que je vais avoir le goût de le réécouter? Peut-être, mais pas avant un bon petit bout de temps. Mais par contre, le coup de masse définitivement est allé sur un film qui s'appelle Wish Upon, qui est un film d'horreur de John R. Leonetti, et qui raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui est un peu, vous dirais, rejet, si on veut, et dont son père est un... Bon, sa mère s'est suicidée, on sait pas trop pourquoi. Son père est en bas âge, son père a eu la charge de sa jeune fille. Et sa façon de gagner sa vie à son paternel, ben, c'est de fouiller dans les poubelles puis de faire de la récupération. Bon, il trouve un jour une espèce de boîte qui semble lui paraître être de valeur et intéressante cosmétiquement parlant. Il la donne à sa fille en cadeau et elle découvre que cette boîte-là lui permet de faire des souhaits. Genre de boîte à musique qui s'ouvre et lorsque le souhait est fait, ben, y a une petite musique qui joue et c'est « You have to pay the bill ». Parce que chaque souhait est à exaucer, mais en contrepartie va apporter une catastrophe. Généralement une personne qui est près de celle qui a fait le souhait. Bon, l'idée de base est moyenne, mais la curiosité l'a emporté, je dois le dire, parce que j'avais certaines appréhensions et les appréhensions se sont avérées être réelles. Wish Upon, c'est pas mauvais, mais vous pouvez facilement faire un détour sans le voir, puis vous serez pas pénalisé de grand chose. C'est tout. On va continuer musicalement cette fois-ci. Ah oui, ça soit dit en passant. Les gens de Matière Noire ne seront pas là ce soir, donc il n'y a pas d'émission de Matière Noire pour des raisons d'ordre mental, bien sûr. Aussi ce vendredi, ici même, c'est fou, à compter de 11h et ce jusqu'à 17h. C'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock en compagnie de mon ami le Rockmaster René Lefebvre et de moi-même. Eh oui, je suis là cette semaine. Et on vous présente une émission spéciale sur 1992. Ben oui, il y a eu des bonnes choses en 92, mais honnêtement, il y en a eu des mauvaises aussi. Mais nous autres, on s'attarde aux meilleurs. Ben, j'ose espérer. Donc, encore cette semaine, les chroniques qui sont des groupes obscurs. Alain va vous présenter une face complète de deux albums vinyle classiques parus il y a 25 ans en septembre, soit Dirt d'Alice in Chains, excellent album, ainsi que le premier disque de Stone Temple Pilot, Car, qui lui aussi était très intéressant. Il va avoir les chroniques du surnaturel, bien sûr, chez les Rockstars, les beaux programmes d'antan, ça passe ou ça casse. Alors, le segment consacré à l'histoire, soit les éphémérides, et ainsi de suite, et blablabla, blablabla. On va avoir beaucoup de plaisir. Ben, peut-être pas pour vous, mais pour nous, oui. Donc, ce vendredi dès 11h, et aussi, ceux qui sont amateurs de métal, en plus de réanimation, bien sûr, ben, vous pouvez écouter ce vendredi notre ami DJ Tower of Death et sa subversive subversion sur les ondes de Underground Québec et disponible sur SoundCloud. On va poursuivre musicalement. C'est évident que je n'aurai pas le temps de tout faire paraître, bien sûr, parce que je parle tout le temps trop. Mais on va essayer d'aller voir au moins Six Feet Under avec la pièce Zombie Blood Curse tirée de Unborn, leur 13e paru en mars, soit le 18 2013. Cannabis Corpse tirée du dernier album paru le 8 septembre dernier, soit Left Hand Pass et la pièce de... 4020 Crusade, voilà. Et peut-être un petit Entombed AD avec Waiting for Dead tiré de Back to Front, leur premier sous ce nom paru le 4 août 2014 sur Century Media. On se retrouve mardi prochain pour un spécial All American Made, une émission consacrée uniquement au groupe metal américain Made in USA ainsi qu'une nouveauté archaïque. D'ici là, ben... Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer, et allez tous vous faire foutre. See you!